Chapitre 21 de Le crime d'Orcival par Émile Gaborio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 21. Depuis plus de 5 minutes, le vieux juge de paix avait achevé la lecture de son volumineux dossier et ses auditeurs, l'agent de la sûreté et le médecin, subissaient encore l'impression de ce récit désolant. Il est vrai que le père Plantat avait une façon de dire singulière et bien propre à frapper ceux qui l'écoutaient. Il se passionnait en parlant, comme si sa personnalité eût été en jeu, comme s'il eût été pour quelque chose dans cette ténébreuse affaire, et que ses intérêts s'y fussent trouvés engagés. Monsieur Lecoq le premier revint au sentiment de la situation. « Un crâne homme, ce Sauvresy, » dit-il. L'envoyé de la préfecture de police était tout entier dans cette exclamation. Ce qui le frappait, dans cette affaire, c'était la conception extraordinaire de Sauvresy. Ce qu'il admirait, c'était son bien joué, dans une partie où il savait devoir laisser sa vie. « Je ne connais pas, » ajouta-t-il, « beaucoup de gens capables d'une si effroyable fermeté. Se laisser empoisonner tout doucettement par sa femme, cela donne froid rien que d'y penser. Il a su se venger, » murmura le docteur Gendron. « Oui, » répondit le père Plantat. « Oui, docteur, il a su se venger. Et plus terriblement encore qu'il ne le supposait, et que vous ne sauriez l'imaginer. » Depuis un moment, l'agent de la sûreté s'était levé. Pendant plus de 3 heures, cloué sur son fauteuil par l'intérêt du récit, il était resté immobile et il sentait ses jambes engourdies. « Monsieur le juge de paix m'excusera, » dit-il. « Pour ma part, je me fais très bien une idée de l'infernale existence qui a commencé, pour les empoisonneurs, le lendemain de la mort de leur victime. Quel caractère ! Et vous nous les avez, monsieur, esquissés de main de maître. On les connaît après votre analyse, comme si on les eût étudiés à la loupe pendant 10 ans. Il parlait fort délibérément, mais il cherchait en même temps l'effet de son compliment sur la physionomie du père Plantat. « Où diable ce bonhomme a-t-il eu ces détails ?» se demandait-il. « Est-ce lui qui a rédigé ce mémoire ? Et si ce n'est pas lui, qui se peut-il être ? Comment, possédant de tels renseignements, n'a-t-il rien dit ?» Monsieur Plantat ne voulut pas remarquer la muette interrogation de monsieur Lecoq. « Je sais, dit-il, que le corps de Sauvresy n'était pas refroidi, que déjà ces assassins en étaient à échanger des menaces de mort. Malheureusement pour eux, observa le docteur Gendron, Sauvresy avait prévu le cas où sa veuve aurait voulu utiliser le restant du flacon de verre bleu. « Ah, il était fort, » fit Lecoq, d'un ton convaincu, « très fort. » Berthe, continua le père Plantat, ne pouvait pardonner à Hector de ne pas avoir pris le revolver qu'on lui tendait et de ne pas s'être fait sauter la cervelle. Sauvresy avait encore prévu cela. Berthe s'imaginait que, son amant mort, son mari aurait tout oublié, et on ne peut dire si elle se trompait. Et le public n'a jamais rien su de l'horrible guerre intérieure. Le public n'a jamais rien soupçonné. C'est merveilleux. Dites, monsieur Lecoq, que c'est à peine croyable. Jamais dissimulation ne fut si habile, ni surtout si merveilleusement soutenue. Interrogez le premier venu des habitants d'Orcival, il vous répondra comme ce brave Courtois ce matin, au juge d'instruction, que le comte et la comtesse étaient des époux modèles et qu'ils s'adoraient. Et tenez, j'y étais pris moi-même, moi qui savais ce qui s'était passé, qui m'en doutais, veux-je dire. Si prompt qu'eût été le père Plantat à se reprendre, l'inadvertance n'échappa pas à monsieur Lecoq. N'est-ce vraiment qu'une inadvertance, qu'un lapsus ? Se demandait-il. Mais le vieux juge de paix poursuivait. De vils criminels ont été atrocement punis, on ne saurait les plaindre. Tout serait donc pour le mieux si Sauvresy, enivré par la haine, n'ayant qu'une idée fixe, la vengeance, n'avait lui-même commis une imprudence que je regarde presque comme un crime. Un crime ? Exclama le docteur stupéfait. Un crime, Sauvresy ? Monsieur Lecoq eut un fin sourire et murmura « Oh, bien bas !» Laurence, si bas qu'il lui parlait, le père Plantat l'entendit. « Oui, monsieur Lecoq, » répondit-il d'un ton sévère. « Oui, Laurence !» Sauvresy a commis une détestable action le jour où il a songé à faire de cette malheureuse enfant la complice, je veux dire, l'instrument de ses colères. C'est lui qui l'a jetée sans pitié entre deux êtres exécrables, sans se demander si elle n'y serait pas brisée. C'est avec le nom de Laurence qu'il a décidé Berthe à vivre. Et cependant, il savait la passion de Trémorel. Il savait l'amour de cette malheureuse jeune fille. Et il connaissait son ami capable de tout. Lui qui a si bien prévu tout ce qui pouvait servir sa vengeance, il n'a pas daigné prévoir que Laurence pouvait être séduite et déshonorée. Et il l'a laissée désarmée devant la séduction du plus lâche et du plus infâme des hommes. L'agent de la sûreté réfléchissait. « Il y a une circonstance, objecta-t-il, que je ne puis m'expliquer. » Comment ces complices qui s'exécraient que la volonté implacable de leur victime enchaîne l'un à l'autre contre tous leurs instincts? Ne sont-ils pas séparés d'un commun accord le lendemain de leur mariage, le lendemain du jour où ils sont rentrés en possession du titre qui établissait leur crime? Le vieux juge de paix hocha la tête. « Je vois bien, répondit-il, que je ne suis point arrivé à vous faire bien comprendre l'épouvantable caractère de Berthe. Hector eut accepté avec transport une séparation. Sa femme ne pouvait pas y consentir. Ah, sauf Rosie la connaissait bien. Elle sentait sa vie perdue, d'horribles regrets la déchiraient. Il lui fallait une victime, une créature, à qui faire expier ses erreurs et ses crimes à elle. Cette victime fut Hector. Acharnée à sa proie, elle ne l'eût lâchée pour rien au monde. « Ah, ma foi, remarqua le docteur Gendron, votre trait moral est aussi par trop pusillanime. Qu'avait-il tant à redouter une fois le manuscrit de Sauvresy anéanti ? Qui vous dit qu'il l'a été ? Interrompit le vieux juge de paix. Sur cette réponse, M. Lecoq interrompit sa promenade de long en large dans la bibliothèque et vint s'asseoir en face du père Plantin. « Les preuves ont-elles ou n'ont-elles pas été anéanties ? » Fit-il. « Pour moi, pour l'instruction, tout est là. » Le père Plantin ne jugea pas à propos de répondre directement. « Savez-vous, demanda-t-il, qui était le dépositaire choisi par Sauvresy ?»« Ah !» s'écria l'agent de la sûreté, en se frappant le front, comme s'il eût été illuminé par une idée soudaine. « Ce dépositaire, c'était vous, monsieur le juge de paix ?» Et en lui-même, il ajouta. « Maintenant, mon bonhomme, je commence à comprendre d'où viennent tes informations. »« Oui, c'était moi, reprit le père Plantin. Le jour du mariage de madame veuve Sauvresy et du comte Hector, me conformant aux dernières volontés de mon ami mourant, je me suis rendu au Malfeuillu, et j'ai fait demander monsieur et madame de Trémorel. Bien que très entouré, très occupé, ils me reçurent immédiatement dans le petit salon du rez-de-chaussée, où ce pauvre Clément a été assassiné. Ils étaient fort pâles l'un et l'autre, et affreusement troublés. Certainement, ils devinaient l'objet de ma visite. Ils l'avaient deviné en m'entendant nommer, puisqu'ils me recevaient. Après les avoir salués l'un et l'autre, je m'adressai à Berthe, ainsi que le prescrivait les minutieuses instructions qui m'avaient été données par écrit, et où éclate l'infernale prévoyance de Sauvresy. « Madame, lui dis-je, j'ai été chargé par feu votre premier mari de vous remettre, le jour de vos secondes noces, le dépôt qu'il m'avait confié. » Elle me prit le paquet, renfermant la bouteille et le manuscrit, d'un air fort riant, joyeux même, me remercia beaucoup, et aussitôt sortit. À l'instant, la contenance du comte changea. Il me parut très inquiet, très agité. Il était comme sur des charbons. Je voyais bien qu'il brûlait de s'élancer sur les pas de sa femme et qu'il n'osait pas. J'allais me retirer, mais il n'y tenait plus. « Pardon, dit-il brusquement, vous permettez, n'est-ce pas ? Je suis à vous dans l'instant. » Et il sortit en courant. Lorsque je le revis, ainsi que sa femme, quelques minutes plus tard, ils étaient fort rouges l'un et l'autre. Leurs yeux avaient un éclat extraordinaire, et leur voix frémissait encore pendant qu'ils me reconduisaient avec des formules polies. Il venait certainement d'avoir une altercation de la dernière violence. « Et le reste se devine, » interrompit M. Lecoq. Elle était allée, la chère dame, mettre en sûreté le manuscrit du défunt, et quand son nouveau mari lui a demandé de le lui livrer, elle lui a répondu « Cherche !» Sauvresy m'avait bien recommandé de ne remettre le paquet qu'entre ses mains à elle. Oh, il s'entendait à monter une vengeance. Il donnait à sa veuve, pour tenir Trémorel sous ses pieds, une arme terrible, toujours prête à frapper. C'est là, cette cravache magique qu'elle employait, si, par hasard, il se révoltait. Ah, c'était un misérable, cet homme. Mais elle a dû le faire terriblement souffrir. Oui, interrompit le docteur Gendron, jusqu'au jour où il l'a tué. L'agent de la sûreté avait repris sa promenade à travers la bibliothèque. Reste maintenant, disait-il, la question du poison. Question simple à résoudre, puisque nous tenons là, dans ce cabinet, celui qui l'a vendu. D'ailleurs, répondit le docteur, pour ce qui est du poison, j'en fais mon affaire. C'est dans mon laboratoire que ce gredin de Roblot l'a volé, et je ne saurais que trop quel il est, le poison, alors même que les symptômes, si bien décrits par le père Plantin, ne m'eussent pas appris son nom. Je m'occupais d'un travail sur l'aconite lors de la mort de M. Sauvresy. C'est avec de l'aconitine qu'il a été empoisonné. Ah ! Fit M. Lecoq surpris. De l'aconitine ? C'est la première fois que je rencontre ce poison-là dans ma pratique. C'est donc une nouveauté ? Pas précisément, dit en souriant M. Gendron. C'est de l'aconite que Médée extrayait, dit-on, ses plus effroyables toxiques. Et Rome et la Grèce l'employaient concurremment, avec la ciguë, comme agent d'exécution judiciaire. Et je ne le connaissais pas. J'ai, il est vrai, si peu de temps pour travailler. Après cela, il était peut-être perdu, ce poison de Médée, comme celui des Borgia. Il se perd tant de choses. Non, il n'est pas perdu, rassurez-vous. Seulement, Nous ne le connaissons guère maintenant que par les expériences de Matthiol sur les condamnés à mort au XVIe siècle, par les travaux de Hertz qui, en 1833, isola le principe actif, l'alcaloïde, et enfin par quelques essais de Bouchardin qui prétend « quand par malheur on a mis le docteur Gendron sur les poisons, il est difficile de l'arrêter ». Mais d'un autre côté, M. Lecoq ne perd jamais son but de vue. « Pardon de vous interrompre, docteur, » fit-il. « Retrouverait-on des traces d'aconitine dans un cadavre inhumé depuis près de 2 ans ? Car enfin, M. Domini va vouloir l'exhumation. Les réactifs de l'aconitine, monsieur, ne sont pas assez connus pour en permettre l'isolement dans les produits cadavériques. Bouchardin a bien proposé de l'iodure de potassium ioduré, qui donnerait un précipité orange. Mais cette expérience ne m'a pas réussi. « Diable !» fit M. Lecoq. « Voilà qui est contrariant. » Le docteur eut un sourire de triomphe. « Rassurez-vous, » dit-il. « Le procédé n'existait pas, je l'ai inventé. »« Ah !» s'écria le père Plantat. « Votre papier est sensibilisé. »« Précisément. Et vous retrouveriez de l'aconitine dans le corps de Sauvresy ?»« Je retrouverai, monsieur l'agent, 1 mg d'aconitine dans un tombereau de fumier. » Monsieur Lecoq paraissait radieux, comme un homme qui acquiert la certitude de mener à bonne fin une tâche qui lui avait paru un peu lourde. « Eh bien, » s'écria-t-il, « voici qui est terminé. Notre instruction est complète. » Les antécédents des victimes exposés par monsieur le juge de paix nous donnent la clé de tous les événements qui suivent la mort de ce malheureux Sauvresy. Ainsi, on comprend la haine de ses époux, si bien unis en apparence. Ainsi, on s'explique que le comte Hector ait fait sa maîtresse, et non sa femme, d'une jeune fille charmante, qui avait 1 million de dot. Il n'y a plus rien de surprenant à ce que monsieur de Trémorel se soit résigné à jeter à la Seine son nom et sa personnalité pour se refaire un état civil. S'il a tué sa femme, c'est qu'il y a été contraint par la logique des événements. Elle vivante, il ne pouvait pas fuir, et cependant, il ne pouvait plus continuer à vivre au Valfeuillu. Enfin, ce papier qu'il cherchait, avec tant d'acharnement, lorsque chaque minute pouvait lui coûter la vie, c'était sa condamnation, la preuve de son premier crime, le manuscrit de Sauvresy. Monsieur Lecoq parlait avec une animation extraordinaire, et comme s'il eut quelques motifs personnels d'animosité contre le comte de Trémorel. Il est ainsi fait, et l'avoue volontiers en riant, il ne peut s'empêcher d'en vouloir au criminel qu'il est chargé de poursuivre. Entre eux et lui, c'est un compte à régler. De là l'ardeur désintéressée de ses recherches. Peut-être est-ce chez lui simple affaire d'instinct, pareil à celui qui pousse le chien de chasse sur la trace du gibier. Il est clair maintenant, poursuivait-il, que c'est Mademoiselle Courtois qui a mis fin aux éternelles irrésolutions du comte de Trémorel. Sa passion pour elle, irritée par les obstacles, devait toucher au délire. En apprenant la grossesse de sa maîtresse, car elle est réellement enceinte, je le parierais, ce misérable, perdant la tête, a oublié toute prudence et toute mesure. Il devait être si las d'un supplice qui, pour lui, recommençait tous les matins. Il s'est vu perdu. Il a vu sa terrible femme se livrant pour avoir le bonheur de le livrer. Épouvanté, il a pris les devants et s'est décidé au meurtre. Cet événement a été le coup de fouet qui fait franchir le fossé. Bien des circonstances qui établissaient la certitude de l'agent de la sûreté avait nécessairement échappé au docteur Gendron. « Quoi ? » s'écria-t-il stupéfait. « Vous croyez à la complicité de Mademoiselle Laurence ?» L'homme de la préfecture eut un geste d'énergique protestation. « Non, monsieur le docteur, répondit-il, non, certainement. Le ciel me préserve d'une pareille idée. Mademoiselle Courtois a ignoré et ignore le crime. Mais elle savait que Trémorel abandonnerait sa femme pour elle. Cette fuite avait été discutée entre eux, convenue, arrêtée. Ils s'étaient donné rendez-vous pour un certain jour, à un endroit déterminé. Cette lettre, fit le médecin, cette lettre. Depuis qu'il était question de Laurence, le père Plantat dissimulait mal ses angoisses et ses émotions. Cette lettre, s'écria-t-il, qui plonge toute une famille dans la plus affreuse douleur, qui tuera peut-être mon pauvre Courtois, n'est qu'une scène de la comédie infâme imaginée par le comte. Oh ! Fit le docteur révolté, est-ce possible ? Je suis absolument de l'avis de monsieur le juge de paix, affirma l'agent de la sûreté. Hier soir, chez monsieur le maire, nous avons eu en même temps le même soupçon. J'ai lu et relu la lettre de Mademoiselle Laurence, et je parierais qu'elle n'est pas d'elle. Le comte de Trémorel lui a imposé un brouillon qu'elle a copié. Ne nous abusons pas, messieurs. Cette lettre a été méditée, réfléchie, composée à loisir. Non, ce ne peuvent être là les expressions d'une malheureuse jeune fille de 20 ans qui va se tuer pour échapper au déshonneur. Peut-être êtes-vous dans le vrai, fit le docteur, visiblement ébranlé. Mais comment pouvez-vous imaginer que monsieur de Trémorel a réussi à décider Mademoiselle Courtois à cet abominable expédient. Comment ? Tenez, docteur, je ne suis pas un grand grec en pareille matière, ayant eu rarement l'occasion d'étudier sous le vif les sentiments de la demoiselle bien-née. Et pourtant, la chose me semble fort simple. Une jeune fille, dans la situation où se trouve Mademoiselle Courtois, qui sent approcher le moment fatal où sa honte sera publique, doit être prête à tout, décidée à tout, même à mourir. Le père Plantat eut comme un gémissement. Une conversation qu'il avait eue avec Laurence lui revenait à l'esprit. Elle lui avait demandé, il se le rappelait, des renseignements sur certaines plantes vénéneuses qu'il cultivait. S'inquiétant beaucoup des moyens qu'on emploie pour en extraire les suites mortelles. « Oui, dit-il, elle a songé à mourir. » « Eh bien, reprit l'agent de la sûreté, c'est au moment où ses pensées funèbres hantaient l'esprit de la pauvre enfant que le comte de Trémorel a pu facilement achever son œuvre de perdition. Elle lui disait sans doute qu'elle préférait la mort à la honte. Il lui a prouvé qu'étant enceinte, elle n'avait pas le droit de se tuer. Il lui a dit qu'il était bien malheureux que, n'étant pas libre, il ne pouvait réparer l'horrible faute. Mais il lui a offert en même temps de lui sacrifier sa vie. Que devait-elle faire pour tout sauver ? Abandonner sa famille ? Faire croire à son suicide pendant que lui, de son côté, déserterait sa maison et abandonnerait sa femme ? Sans doute elle a dû se défendre, résister. Mais ne devait-il pas tout obtenir d'elle ? Lui arracher les plus invraisemblables consentements ? En lui parlant de cet enfant qu'elle sentait tressaillir dans son sein ? Qu'il élèverait entre eux ? Qui, ainsi, aurait un père ? Et elle a consenti à tout. Elle a fui. Elle a recopié et jeté à la poste la lettre infâme, préparée par son amant. Le docteur était convaincu. « Oui, murmura-t-il, oui, voilà bien les moyens de séduction qu'il a dû employer. Mais quel maladroit, reprit l'agent de la sûreté, quel niais. Qui n'a pas pensé qu'infailliblement, on remarquerait cette bizarre coïncidence entre la disparition de son cadavre et le suicide de Mademoiselle Laurence. Les cadavres ne se perdent pas comme cela, que diable. Mais non, monsieur s'est dit, on me croira bel et bien assassiné tout comme ma femme. Et la justice ayant son coupable, c'est-à-dire Gaspin, n'en demandera pas davantage. » Le père Plantat eut un geste désespéré de rage impuissante. « Ah ! S'écria-t-il, ne savoir où le misérable se cache pour lui arracher Laurence !» L'agent de la sûreté prit le bras du vieux juge de paix et le serra énergiquement. « Rassurez-vous, monsieur, dit-il d'un ton froid, nous le retrouverons, ou je perdrai mon nom de Lecoq. Et pour être franc, je dois vous avouer que la tâche ne me paraît pas bien difficile. » Trois ou quatre coups discrets, frappés à la porte, interrompirent monsieur Lecoq. L'heure s'avançait, et depuis bien longtemps déjà, la maison était éveillée et remuante. 10 fois au moins, Madame Petit, dévorée d'inquiétude, malade et pleurant presque de curiosité déçue, était venue coller son oreille à la serrure. Vainement, hélas ! Que peuvent-ils machiner là-dedans ? Disait-elle à Louis, son tranquille commensal. Voici 12 heures qu'ils sont enfermés sans boire ni manger. Cela a-t-il du bon sens ? Enfin, je vais toujours leur préparer à déjeuner. Ce n'était pourtant pas Madame Petit qui se risquait à frapper. C'était Louis le jardinier, qui venait rendre compte à son maître de dégâts tout à fait extraordinaires commis dans le jardin. Le gazon avait été abîmé, piétiné, saccagé. Il apportait en même temps des objets singuliers, laissés par les malfaiteurs sur la pelouse et qu'il avait ramassés. Ces objets, M. Lecoq les reconnut du premier coup d'œil. « Ciel ! S'écria-t-il, je m'oubliais. Je suis là que je cause tranquillement un visage découvert, comme si nous n'étions pas en plein jour, comme si quelqu'un discret ne pouvait pas entrer d'un moment à l'autre. » Et, s'adressant à Louis, fort surpris de retrouver là ce jeune homme brun qu'il n'y avait pas vu entrer la veille, « Donne, mon garçon, lui dit-il, donne-moi cet accessoire de toilette qui m'appartienne. » Puis, en un tour de main, pendant que le maître de la maison était allé donner quelques ordres, il rajusta sa physionomie de la veille, si bien que le père Plantat, en rentrant, n'en pouvait croire ses yeux. Il voyait là, près de la cheminée, son Lecoq à l'air bénin de l'instruction. C'était bien les mêmes cheveux plats, ses favoris d'un blond fauve, ce sourire idiot. Il jouait avec sa même bonbonnière à portrait. Le déjeuner était servi, et le vieux juge venait de prévenir ses hôtes. Silencieux comme le dîner de la veille, ce repas dura peu. Les convives sentaient le prix des minutes. M. Domini les attendait à Corbeil, et, sans doute, il commençait à s'impatienter de leur retard. Louis venait de poser sur la table une magnifique corbeille de fruits, lorsque M. Lecoq pensa au rebouteux. « Le misérable, dit-il, a peut-être besoin de quelque chose. » Le père Plantat voulait envoyer son domestique chercher maître Roblot. L'agent de la sûreté s'y opposa. « C'est un gaillard dangereux, dit-il, j'y vais moi-même. » Il sortit, et 10 secondes ne s'étaient pas écoulées que sa voix se fit entendre. « Messieurs » cria-t-il, « messieurs !» Le docteur et le juge de paix accoururent. En travers de la porte du cabinet, gisait le corps inanimé du rebouteux. Le misérable s'était suicidé. Fin du chapitre 21.